Chapitre 9e. À la recherche d'une demeure. Durant bien des jours, ses plans et ses projets préoccupèrent Madame Halliburton. Plus d'une fois, son mari et elle se demandèrent avec anxiété « Où irons-nous? Que ferons-nous ?» Avant qu'un autre mois se fût écoulé, M. Halliburton était devenu si faible qu'il n'eût résigné son poste de professeur au Collège Royal, mais le changement de séjour leur semblait devoir être une panacée universelle. M. Halliburton ne pouvait naturellement songer qu'à l'enseignement. Toute l'Angleterre s'ouvrait devant lui. Il pourrait, où que ce fût qu'il allât, gagner honorablement sa vie. On ne lisait pas tous les jours d'aussi brillants certificats que les siens. Sa cousine Julia avait, croyait-il, épousé un homme doué d'une certaine influence. Elle habitait la ville principale d'un des comtés du centre, et plus d'une fois, il pensa à s'y aller fixer aussi. « Ils pourront me recommander, Jane, » disait-il un soir à sa femme. « Ce n'est pas cependant que je tienne beaucoup à demander quelques faveurs à Julia. Pourquoi donc ? Parce que ce n'est pas une personne d'un abord facile. Il y a bien des années que je ne l'ai vue, mais je me la rappelle bien. Cette ville renferme un évêché. Beaucoup de membres du clergé s'y réunissent. L'enseignement doit y être considéré. Ne le fut-il nulle part ailleurs ? J'aurai ainsi plus de facilité à trouver des leçons. » L'argument ne manquait pas de valeur. « Il y a plus encore, » continua M. Halliburton. « Te souviens de Pearson ?» Pearson ? Pearson ? Répéta Jane comme si ce nom lui était inconnu. Ce jeune homme, qui m'a tant donné de tracas il y a quelques années, que j'ai dû faire travailler entre chacune de ses sessions à Oxford, et qui sans moi n'aurait jamais passé ses examens. Il a souvent pris le thé chez nous. Oui, je m'en souviens. Charles Pearson. C'est cela. Eh bien, il était nommé pasteur dans cette même ville. Le docteur Jacobs me l'a dit l'autre jour. Je suis sûr que personne serait enchanté de faire quelque chose pour moi. C'est une raison de plus qui m'engage à choisir cette ville. Je suppose que l'air y est sain. Oui, elle est dans une charmante position. Il n'y a ni brouillard ni fumée. Alors, Edgar, décidons-nous. Oui, à moins que nous n'entendions parler de quelque chose de mieux. Nous partirons dans le courant de l'été, et d'ici là, l'ouvrage ne nous manquera pas. Quelle peine nous aurons pour emballer les meubles ? S'écria Jane. « Quel meuble, Jane ? Nous devons les vendre. »« Vendre un meuble ? » répéta-t-elle, stupéfaite. « Ma chère, les frais d'emballage dépasseraient la valeur même. Qui sait combien de temps ils resteraient en route, dans quel état ils arriveraient ? Ils sont si vieux qu'ils ne supporteraient pas les chaos du voyage. Rappelle-toi combien d'années tes parents s'en sont servis. » « Alors que ferons-nous quand nous serons arrivés ? Nous en achèterons d'autres avec le prix de la vente de ceux-ci. J'y ai réfléchi. » Et je crois que c'est le parti le plus sage. Cependant, si tu y tiens, nous les emporterons. » Jane regarda autour d'elle. Elle tenait à son antique ménage, mais elle savait aussi combien il était vieux et usé. Elle se vit entourée de meubles frais et neufs. « Ce sera certainement fort long et difficile à emballer. Il y en a qui n'en valent pas la peine, » dit-elle. « Il y en a d'ailleurs plus que nous n'en aurons besoin. Quel que soit l'endroit où nous fixions, nous devons nous contenter d'un petit appartement, au moins pour les premiers temps. » « Oh, Edgar, je regretterais tant d'ôter les enfants du collège. »« Jane, » dit-il, et une expression de souffrance passa sur ses traits. « Il y a tant de choses qui me causent du chagrin que ma seule ressource consiste à n'y pas songer. Je serais trop tenté de me cabrer, de demander dans un esprit de rébellion pourquoi cette épreuve nous est envoyée. Dieu l'a voulu, je dois m'y soumettre aussi humblement que possible. » Jane le devait aussi, elle appuya sa tête sur ses mains, sa tête qui bientôt allait être si fatiguée.